Je voudrais être libre enfin, je voudrais être libre enfin, ne plus être sous sa pensée, ne plus être manipulé, être libre enfin, être libre enfin, ne plus être manipulé. Être sous sa pensée, oh, être libre enfin, oh, être libre enfin, ne plus être sous sa pensée, ne plus être manipulé, oh, être libre enfin, oh, être libre enfin, ne plus être sous sa pensée de dégoût, de haine et de... Dégoût et de haine et de... Et de... Et de... Je ne sais rien. Et de ne rien vouloir. Et de ne rien vouloir. Et de ne rien vouloir. Et de ne rien vouloir. Je voudrais être libre enfin, ne plus être sous sa pensée, ne plus être manipulé, oh, être libre enfin, ne plus être sous sa pensée, ne plus être manipulé, je voudrais être libre enfin, ne plus être sous sa pensée.